Le père Goriot était à 8h30 rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu, pour une bonne somme, un ustensile de ménage en vermeil, assez joliment entortillé, pour un homme qui n'est pas de la manique. Bah, vraiment ? Oui. Je revenais ici, après avoir conduit un de mes amis qui s'expatrie par les messageries royales. J'ai attendu le père Goriot pour voir, histoire de rire. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré, dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de faire des dominos, avec les os de son père. Un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un homme, qu'on serait bien embarrassé de dévaliser. Il met ses écus à la banque. Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot ? Il ne fait rien, dit Vautrin. Il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer ses filles et qui... Le voilà, dit Sylvie. Christophe ! Cria le père Goriot. « Monte avec moi !» Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. « Où vas-tu » dit Madame Vauquin à son domestique. « Faire une commission pour Monsieur Goriot. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Vautrin en arrachant des mains de Christophe une lettre sur laquelle il lut. « À Madame la Comtesse Anastasie de Restaud. »« Et tu vas ?» reprit-il en rendant la lettre à Christophe. « Rue du Helder. J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à Madame la Comtesse. » « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » dit Vautrin, en mettant la lettre au jour. « Un billet de banque ? Non. » Il entr'ouvrit l'enveloppe. « Un billet acquitté ! » s'écria-t-il. « Fourche ! Il est galant !» le recantait. « Va, vieux lascar !» dit-il, en coiffant de sa large main Christophe, qui fit tourner sur lui-même comme un dé. « Tu auras un bon pourboire. »